Samuel Lauzon au microphone et vous écoutez votre magazine d'actualité et de culture scientifique Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1. Dernièrement, il a été fréquemment question dans les médias de la COP27 qui se déroulait près du Caire en Égypte. Bien entendu, les conférences des Nations Unies sur le climat jouissent d'une visibilité planétaire due à l'urgence climatique. Mais en décembre prochain, c'est vers Montréal que se tourneront les yeux du monde pour la COP15. Attendez un peu, la COP15? Il me semble, du moins la dernière fois que j'ai vérifié, qu'après 27, c'est 28. Alors, pourquoi parlons-nous de la COP15? En fait, il ne s'agit pas d'une autre conférence sur le climat, mais bien d'une conférence sur la biodiversité. Pour nous en parler et pour nous dire pourquoi nous devrions nous intéresser à ce grand rassemblement qu'est la COP15, j'ai invité la présidente de l'Association des biologistes du Québec, l'ABQ, Mme Marie-Christine Bellemare. Bonjour Mme Bellemare. Bonjour. Oui, avant de sauter dans le vif du sujet, je crois que ça serait bien de faire un petit tour d'horizon pour nous dire c'est quoi l'Association des biologistes du Québec? Ça mange quoi en hiver pour rester dans le thème de la biologie? Oui, bien, dans le fond, l'Association des biologistes du Québec a été fondée il y a environ 50 ans. Donc, à l'époque, les membres fondateurs là, voulaient vraiment créer un lieu d'échange entre professionnels, développer des bonnes pratiques aussi, donner peut-être un lieu de parole aussi là, dans le débat public. Donc, c'est vraiment ça la mission de l'ABQ, l'Association des biologistes du Québec, de regrouper les biologistes. Donc, aujourd'hui, on a dépassé le 1000 membres. Donc, c'est beaucoup de gens au Québec là, qui font partie de notre association. Donc, on organise finalement justement des formations pour permettre à tous là, de rester à l'affût. C'est une science qui évolue rapidement quand même. Donc, voilà. Oui, je comprends bien, dans le fond, que c'est un regroupement de biologistes, mais est-ce que vous offrez des services pour le public, pour monsieur, madame, tout le monde? Bien, c'est certain que, dans le fond, pour le public en général, on est une très belle porte d'entrée pour faire appel aux biologistes. Donc, on a besoin de biologistes pour réaliser certains travaux, certains projets. Donc, via notre association, c'est possible de faire appel aux biologistes. L'ABQ essaie aussi de participer au débat public. Donc, par exemple, cette année, on a intervenu sur le dossier épineux des cerfs de Virginie dans le parc Michel Chartrand à Longueuil. On a aussi intervenu sur le dossier du caribou, qui est une préoccupation là, depuis plusieurs années de nos membres. Donc, on essaie vraiment, en fait, d'avoir le point de vue des experts, du professionnel. On n'essaie pas nécessairement d'être militant. C'est pas dans notre mission là, de jouer ce rôle-là. Nous, on veut vraiment nous assurer toujours que le point de vue des experts, des biologistes, a été entendu et reconnu aussi. Donc, c'est notre objectif. Okay. D'accord, parce que dans le fond, biologiste, c'est un métier à part entière. C'est... Les biologistes, nous, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? En fait, on se dit spécialiste du vivant. Donc, on aime dire qu'on travaille du génome au biome, donc du très, très, très petit au très, très, très grand. Et c'est souvent ce qui nous distingue des autres professionnels, là, c'est qu'on a une vision souvent intégratrice. On voit les liens invisibles entre les organismes vivants, l'environnement. Et donc, on est souvent en support justement aux urbanistes dans les villes, avec les ingénieurs dans les projets. Voilà. Donc, on est les travailleurs de l'ombre. C'est ça. c'est bien dit. si on en revient un peu à nos moutons, pourquoi l'ABQ s'intéresse à la COP15? En fait, pourquoi la biodiversité devrait être un sujet qui préoccupe les décideurs et le public en général? Bien, c'est sûr que pour nous, c'est une évidence. Si on parle de biodiversité, il faut parler de biologistes. On est vraiment ceux qui sont sur le terrain, donc on est ceux qui constatons les grandes tendances, on est ceux qui sont capables de d'analyser ces tendances-là, d'évaluer, déterminer les causes, puis d'arriver avec des solutions aussi. Donc, on joue vraiment un rôle clé dans la gestion de la biodiversité. Pourquoi c'est important? Ben parce que c'est un signal. Puis bon, mon intention n'est pas nécessairement d'être alarmiste, mais je veux pas voler de punch. Ça va pas super bien côté biodiversité dans le monde, OK? Donc, c'est inquiétant. On a des signaux qui devraient être entendus, qui doivent être entendus, puis on a des décisions à prendre pour renverser la tendance. Les solutions existent, on sait qu'est-ce qu'il faut faire, faut juste le faire, c'est ça. OK, puis j'ai une question un peu simpliste, mais pourquoi quelqu'un, par exemple, qui travaille, un citadin, pourquoi il devrait se soucier, dans le fond, de la biodiversité, lui, dans peu de contact, par exemple, avec les animaux, tout ce qu'il mange vient de des serres, ou voilà, pourquoi on devrait se soucier, dans le fond, de la biodiversité? À quel point ça l'affecte quelqu'un dans sa vie courante? Ben, je dirais que notre société en général est basée sur des écosystèmes en santé. Donc l'agriculture, par exemple, dépend de la nature pour que ce soit optimal. C'est juste un exemple, mais tu sais, ce qu'on porte, c'est fait à partir de vivants, donc ce qu'on mange, des fois nos habitations proviennent de la forêt, donc c'est la nature, elle est autour de nous, on est dans la nature, donc je pense que ces interactions-là, justement, oui, c'est souvent très abstrait pour monsieur, madame, tout le monde, mais faut vraiment le voir comme un château de cartes très fragile qui a mis des millions d'années à s'installer, qui fonctionne très bien. Les systèmes en santé nous permettent de filtrer l'eau, filtrer l'air, servent d'habitat. C'est aussi, je pense, au Québec, la biodiversité est beaucoup liée à notre culture. Ça fait partie de notre saveur touristique, nos forêts, etc. Donc, il y a une valeur associée à la biodiversité, je pense, qui est vraiment sous-estimée dans notre quotidien. Puis, pour que cette valeur-là soit vraiment à son plus haut potentiel, ben, il faut que nos écosystèmes soient en santé. Donc, il faut en prendre soin, il faut le protéger. C'est là que nous, on arrive. Je comprends. Dans le fond, on n'est pas extérieur vraiment là, à cette biodiversité, à cette nature-là, si je comprends bien ce que vous dites. On en fait partie, puis c'est un peu comme justement abstrait de se séparer de ça, puis de se voir comme extérieur à toute cette vie-là. On est comme dans cette grande chaîne-là, la grande chaîne de la vie. Oui, ben c'est notre habitat, en fait, qui commence à se fragiliser. C'est nos modes de vie, c'est notre mode de vie, nos sociétés qui sont fragilisées. Puis, bon, nous, on est peut-être privilégiés au Québec, mais ailleurs dans le monde, ça se fait déjà sentir, ça. La perte de biodiversité, il y a des pays dans le monde qui sont beaucoup plus touchés que nous déjà. Donc, je saute peut-être déjà à la prochaine question, mais ça sera un enjeu très important, je pense, à la COP15, l'inclusion, et aussi, ben, comme c'était le cas pour la COP27, on voit que c'est des enjeux de justice sociale qui prennent de plus en plus de place dans ces débats qui avaient souvent tendance à être très scientifiques. Là, il y a un aspect social qui prend plus de place, je pense que c'est très important. Puis c'est une bonne chose qu'il y ait justement un regroupement. On se rend compte justement qu'il y a des liens entre toutes ces crises-là mondiales, crise du climat, crise de la biodiversité, crise de la pauvreté. Tout ça est relié, en fait. Souvent sont reliés aux mêmes causes et les mêmes solutions peuvent régler une partie de tous ces problèmes-là. Donc, Si je comprends bien ce que vous dites, là, c'est de voir d'une façon là, plus holistique, pour la biodiversité vient s'insérer dans toutes les relations qu'on a, autant envers le vivant que les autres espèces. qu'entre humains, dans le fond. Mmh. Puis justement, je me demandais, là, c'est la 15e COP. Tu sais, il y a eu beaucoup de choses. On a parlé beaucoup, là, évidemment, de la COP 27, qui est sur les changements climatiques. Et il y avait beaucoup de commentaires, ah, ça sert à rien, ça n'avance à rien. Puis je me demandais, la COP 15, est-ce qu'il y a eu des avancements? Est-ce que dans la protection de la biodiversité, est-ce qu'il y a des choses qui se sont faites dans ces 15 années-là? Ben, est-ce qu'on aurait dû faire plus? C'est sûr. La réponse est oui, là. On va pas se cacher, mais moi, j'aime être optimiste, puis j'aime être positive. Fait que moi, j'aime dire que c'est pas vrai que ça n'a rien changé. Okay? Est-ce que c'est allé trop lentement? Oui. Mais les objectifs de la décennie 2010-2020, c'était le fameux 17% d'air protégé. Ben, on y est arrivé au Québec. On a réussi à atteindre ces objectifs-là. On est la province avec les meilleures statistiques d'air protégé au Canada. On s'est déjà engagé pour les objectifs qu'on souhaite qu'ils vont être adoptés à Montréal au mois de décembre, donc les objectifs pour la décennie 2020-2030, là, on parle d'un 30% d'ici 2030. Là, ça va être un défi parce que les pourcentages, les aires protégées faciles à protéger, on les a protégées. Là, va falloir aller gratouiller le fond des caisses pour aller atteindre le 30%. Donc c'est ça. Mais il y a déjà, tu sais, par exemple, à Montréal, à l'époque, on avait déjà intégré à l'intérieur du fameux PMAD des objectifs de conservation, ce 17%, cet objectif-là, a percolé dans nos institutions, dans l'aménagement de notre territoire. Donc, moi, j'ai quand même bon espoir que dans la prochaine décennie, ces outils-là qu'on a développés, ben, ils sont déjà en place. Donc, moi, j'ai espoir qu'on va y arriver finalement. C'est ça. Si je comprends bien, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore de la place à l'amélioration, si on Ben, veut. C'est c'est pour ça que, dans le sûr. fond, ouais, c'est ça. C'est pour ça que la COP 15, dans le fond, Oui. c'est un moment important. Puis justement, je me disais, vous êtes présidente de l'Association des biologistes. Bon, on parle d'une association et non d'un ordre professionnel. Et là, je me demandais, est-ce que c'est un intérêt que l'Association des biologistes devienne un ordre ou est-ce que les biologistes aimeraient ça devenir un ordre? Puis qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ça leur aurait un avantage, par exemple, pour la protection de la biodiversité? Est-ce que ça serait quoi l'impact en fait? C'est ça ma question. Ben, en fait, c'est ça, 50 ans qu'on milite pour avoir une reconnaissance professionnelle à l'association. L'objectif d'avoir un ordre professionnel, c'est pour protéger le public. Donc, c'est ça le grand intérêt. Donc, notre discours à nous, c'est que ben, les espèces en péril, les habitats, les écosystèmes, si on veut arriver à les protéger, à prendre les bonnes décisions, ben, ça prend les bonnes personnes aux bonnes places, qui sont bien formées, qui sont encadrées pour prendre ces décisions-là, pour recommander aux décideurs les bonnes choses. Donc, c'est surtout cet aspect-là, nous, qui nous interpelle. Je pense que dans ma jeune carrière, moi, j'ai vu une différence. Ça fait 10 ans que je pratique le métier. Moi, j'ai vu une différence maintenant, j'ose croire qu'on fait appel aux biologistes, les autres professionnels qu'on côtoie ont compris notre importance, notre rôle dans les projets. Je pense que là, on est plus rendu, on a atteint, si on veut, je vais utiliser des beaux mots là, une autorité informelle. Donc, c'est reconnu par les pairs, mais on n'a pas l'autorité formelle. Et OK, je comprends. c'est ça qu'on a besoin, on est rendu là. Il y a beaucoup de poids sur les épaules des biologistes en ce moment. Les grands projets au Québec ont un impact sur la biodiversité. Donc, si on veut que ces projets-là se fassent ou pas, ou se fassent comme il faut, finalement, ben, les biologistes doivent être impliqués sur la table de décision. Et c'est surtout que un autre professionnel, ça vient aussi avec une responsabilité professionnelle, une imputabilité. En ce moment, la décision, souvent, on met la responsabilité sur le décideur, alors que si on avait un autre professionnel, ben, C'est les biologistes qui vont prendre cette responsabilité-là maintenant. On va être responsable et on n'attend que ça, finalement. Fait que c'est un peu ça l'idée, là. C'est d'avoir cette reconnaissance-là officielle, légalement constituée, qui vient aussi avec une formation continue. Comme je disais en début d'entrevue, c'est une science qui change rapidement. Et donc, c'est important que les membres, ben, que les biologistes, on s'assure qu'ils suivent la cadence. C'est un professionnel qui permet ça, qui permet d'encadrer ça. Oui, et c'est très intéressant. Et je me demandais, souvent quand on parle d'ordre, on parle d'actes réservés. Est-ce que, un éventuel ordre des biologistes aurait des actes réservés? Avez-vous eu une réflexion, face à ce sujet? Oui, ben c'est ça, on ne part pas de zéro. Dans le fond, il y a eu déjà des tentatives là, dans les dernières années pour qu'on soit intégré là, à un autre professionnel. Donc, il y a un travail déjà de fait avec l'Office des professions. On a déjà listé des activités à risque. C'est déjà recommandé par l'Office des professions là, que le travail des biologistes soit encadré. C'est la même chose pour l'Association des microbiologistes également. Donc, tu sais, ce travail-là est déjà entamé, est déjà reconnu. Donc, je dirais qu'on n'est plus nécessairement dans une approche d'actes réservés, on serait plus dans le partage d'actes. Bref, c'est plus un vocabulaire, je pense, qu'on utilise vraiment aujourd'hui. Puis là, encore là, je suis pas avocate, puis j'ai pas le goût de parler à la place des avocats, justement. Je respecte ma pointe de tarte, mais c'est ça. Donc, puis nous, ben, dans le fond, je le mentionne parce que dans nos rencontres précédentes dans les dernières années, il y avait une volonté politique de reconnaître un statut professionnel aux biologistes, aux microbiologistes, mais on nous a dit qu'il n'allait pas y avoir nécessairement de nouvel ordre qui allait être créé. Il n'y avait pas de volonté. Ça coûte cher un ordre, c'est beaucoup de bureaucratie, c'est bien de la paperasse. Puis avoir plein de petits ordres, ben ça coûte cher finalement au système. C'est peut-être pas nécessairement une bonne avenue. Donc, nous, ça a toujours été ça notre ambition. On voulait un ordre des biologistes. Puis je crois que là, on a un peu changé notre approche. Et on est allé, on a essayé de voir s'il y avait un ordre existant qui était prêt à, dans le fond, s'associer avec nous. Puis, il y a l'Ordre des chimistes qui a ouvert sa porte et avec qui on a des très bonnes discussions. Eux ont une loi aussi qui date des années 60, qui est complètement désuète, là. Faire de la chimie dans les années 60, faire de la chimie aujourd'hui, c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Et donc, on a déjà entamé des discussions avec eux. Là, justement, on pourrait, avec les microbiologistes, faire une espèce de un nouvel ordre professionnel qui regrouperait là, les trois professions. Donc, c'est ça. Donc, Intéressant. chimie, biologie, c'est des sciences pures. Donc, il y avait quelque chose qui faisait Je du vois. sens, là. C'est ça. Ouais. Très bien. Puis c'est ça. Puis avec la COP 15, dans le fond, ben c'est là on voit toute l'importance, dans le fond, des biologistes, puis de l'ordre, dans le fond, à travers ça. Ben. Là, on va se mettre à parler de ça dans les prochaines semaines. Là, on va parler de cibles, puis on va parler de données sur la biodiversité, on va parler de mise en œuvre. Là, le monde, tu sais, vont dire ça, là, oui, OK, c'est bien beau. On va promettre plein d'affaires. Comment qu'on va mettre en œuvre tout ça? Ben, c'est tous des biologistes qui vont être impliqués là-dedans. C'est des biologistes qui suivent, c'est des biologistes qui recommandent, c'est des biologistes qui. Donc, pour moi, c'est une tribune super pertinente pour mettre en lumière notre travail. Je pense qu'il est souvent méconnu du public. Je pense que quand on dit biologiste, les gens souvent vont penser quelqu'un en sarrau ou Indiana Jones, là, tu sais. C'est comme. Ben, ou parfois, ils confondent aussi, je dirais, militants environnementalistes et Aussi, biologistes, qui est tout quand à même fait. une distinction à Oui, faire entre c'est les ça. deux, On a là. un bac, là, on a un esprit critique. Moi, je Oui, suis tout à fait. écologiste. Tu sais, j'ai une formation en écologie, j'ai une maîtrise, là. Tu sais, Oui. c'est ça. Là, ça vient avec un bagage scientifique, une approche scientifique. Donc, c'est tout ça un peu, je pense qu'il faut des fois déconstruire, là. On n'est pas là juste pour sauver les grenouilles, là. La preuve, c'est qu'on est pour l'abattage des cerfs, là. Fait que, tu sais, on C'est ça. Alors, des fois, faut prendre des décisions délicates, puis on est capable de justement d'avoir un esprit critique par rapport à ça. Avoir ça. C'est ça. Donc, voilà. Ben super, je pense que ça nous explique bien le rôle, dans le fond, des biologistes à la COP15. Pourquoi c'est important aussi la COP15? Pourquoi le public en général devrait regarder ça un petit peu aller? Puis, ben, je vous remercie, Madame Bellemare, pour... Oui, Ben, vous j'ai peut-être aviez... une petite plug, là. Dans Oui. le cadre de la COP15, il y a un espace ouvert pour la société civile qui s'appelle l'espace Génération Vivante. Donc, pour ceux qui seront en ville au mois de décembre, l'Association des biologistes, on organise une soirée en lien sur la profession de biologiste là, le 15 décembre. On aura aussi en ouverture une conférence par le Centre québécois du droit de l'environnement qui va parler de l'évolution du droit de la biodiversité, autant à l'international qu'au Québec. Puis justement, comment ça a beaucoup impacté finalement le rôle des biologistes là, qui a beaucoup changé dans les 10-20 dernières années. OK. Donc, c'est un rendez-vous, ça va être offert gratuitement. Vous pouvez vous inscrire là, sur le site de collectifcop15.org. Excellent. Alors, je vous rappelle que notre invitée ce soir était Marie-Christine Bellemare, la présidente de l'Association des biologistes du Québec. Madame Bellemare, je vous remercie. C'était une discussion franchement intéressante sur la COP15 et sur l'avenir de l'Association des biologistes du Québec. Merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Déjà la fin de Futur Simple, mais nous serons de retour la semaine prochaine sans faute. Pour le moment, je vous invite à rester à l'écoute de CKRL 89.1. C'est l'heure de En aparté avec Calypso Lemoine. C'est la décadence, la décade où on danse. Les décapés du caporal, les décatis du capital. C'est la décadence, je sais ce que j'avance. On marche à pétrole et à essence. Liberté pour les paranoïaques, tous les schizomaniaques, tous les échecs et maths, tous les macapilates, tous les psychopathes. En l'absence de Démerol, je n'avais pas d'alcool, je n'avais même pas de succès d'année instantané. Liberté pour les toucans blancs, c'est d'une indécence incroyable, je pense. Tous mes voisins qui pleurent, suffoqués, puis tombent en proie au grand malheur, et puis enfin meurent d'une crise de cœur. À l'unanimité, c'est une évidence que nous allons le faire. Entre paranoïaques, on va si bien s'entendre. Tu me feras mal, je te le rendrai bien. Dur de t'aimer, dit la mère à sa fille qui vient de la larguer pour un drogué, un aventurier à Montpellier qui fait la zone à Barcelone, une épidurale à la normale, une lobotomie à l'anarchie, un manque de pudeur, un mal de cœur du jeune drogué qui a perdu sa fille et qui dégueule à pleine gueule sur la société. Dur de t'aimer.